danse de Firmin. Le petit pangolin, c'est la danse de Firmin. Le petit pangolin quand il fait son malin, c'est la danse de Firmin. Le petit pangolin, c'est la danse de Firmin. Le petit pangolin quand il fait son malin. Attention Firmin, serre tes petits poings. Position, en garde. Et boxe en haut, boxe en bas, boxe en haut, boxe en bas, boxe en haut, boxe en bas, boxe en haut, boxe en bas. C'est la danse de Firmin, le petit pangolin. C'est la danse de Firmin, le petit pangolin quand il fait son malin. C'est la danse de Firmin, le petit pangolin. C'est la danse de Firmin, le petit pangolin quand il fait son malin. Attention, Firmin, secoue ton bassin. Position, plie tes genoux. Et secoue en haut, secoue en bas, secoue en haut, secoue en bas, secoue en haut, secoue en bas, secoue en haut, secoue en bas. Attention Firmin,